sous la table bleue, j'ai ma vue sur papier. Tous les jours je me demande combien de temps il me reste à vivre, à tenir avant que la mort me frappe de plein fouet. Je dors pas la tangente, mais je sais plus à quel sein me vouer. Pour s'il les connaît, notre avenir est tatoué. Combien de temps me reste-t-il pour dire à mes deux frères que je les aime? Coûte que coûte, on ira en Afrique fleurir la tombe de la mer. Et je pêchère ma rage et tire les critères de mes pensées. Faut que je mette bien la mia avant d'y passer. Faut que je les pèse toutes, ouais. C'est mes jetonneuses, faut que je leur vende du rêve. Et dans le rap, me faire du buzz petit. Peut-être bientôt la fin du chemin, mais entre temps, je vis. Faut que je profite avec mes sauces, va prouver d'un réparis. Combien de temps? Trop de questions confuses à la fois. Eh, hey, je demande la mi-temps. On s'obstine à se mentir, à se dire que mieux vaut traîner en enfer, servir au paradis. Le piège, c'est de croire qu'on aura le temps de se repentir. Tu sais, avant que je décède d'un ulcère, qu'un fan fou trucide sur scène, faut que l'industrie je sais. Tous parasites en marche du système qui nous paralyse. Prends la zic en guise de psychanalyse. Et je dirais pas que c'est le kiff quand je m'analyse sur le plan affectif et que ça rend ma mère triste. Vrai qu'il y a mieux en matière de fils. Le pire c'est qu'on n'est pas averti quand on va rejoindre le Christ. Mais dis-moi combien de temps je vais encore perdre quand on lui dire que je l'aime une fois pour toutes. J'écris au bord de la crise, rap comme un pneu crise. Y'a rien de plus con que de partir dans le sentiment d'une tâche non accomplie. En étant accompli, et souvent je rêve de liesse. Ça aurait été le cas s'il y avait eu plus de liasses. Niqué par le stress, j'en oublie mes petites nièces. Yes, pardonne-moi mon aigreur. Je suis né, je démarre en clair et je vais mourir en grand homme noir, grand petit nègre. L'ambiance est noire, l'horizon flou. J'esquive les bains de foule, roule vers l'inconnu. Combien de temps avant que s'écoule mon sang sur le trop doigt? Hey, ce bâtard veut jouer du feu, ça me fait un sang sur moi. El Star m'a rendu coupable. Dehors c'est bordel, mosquée, synagogue, sont tagués, je crois. On la force du ciel, même si le diable nous veut comme proie. Parole de repentir dans le poème, nos vies de bohème sont bercées par la colère. Je dis je t'aime au mien avant chaque coucher de soleil. Je garde mes nièces, j'ai peur de pas être là pour tout leur Noël. C'est la vermine qui règne dans les ruelles, paranoïaque, en plus je suis une cible. Demande à Brown, on a beaucoup qui veulent nous voir, plein de balles criblées. Si tu me cherches, je suis entre place des fêtes et la rue crimée. Résultat d'un malaise social, que maintenant avec la mort m'ouvre les bras avec l'odeur d'un pushka. Hey, avise la France, on fait un putain de saccage. Tout est bras en l'air, c'est juste un fracage. Déposez tout sur carrelage et on se part à la rage. Nerveux dans le démarrage, gageur à la rage. On défonce les barrages, on se voit là où tu sais pour le hey, partage. Si tu reconnais la chose, MC Poilnard, c'est dossier, la rage. On est plus gras, il est gros, c'est la prise d'otage. Nouveau panache, 24 H, au charbon, Vachette, on veut du cash. C'est trop trash. Vas-y, fais ta prière avant hey, le crash. La terre trempe, c'est le rap des terrains vagues. La même trempe malgré les écarts d'âge. Ouais, tu me parles comme si j'avais le temps, hey, vas-y, écarte-toi de là. Voilà deux cas à part qui s'accaparent, le mic, c'est barbare. Qu'est-ce que tu peux faire? Faut que les rafales partent sur beat, c'est taille. Lâche comme nos manteaux, bâche comme nos propos, le truc, contre le feu à la rage. Arrache-toi si tu veux pas être l'otage, négro. C'est la cour des grandes, donc faut que tu saches qu'avant le test, ma couille, écoute bien le message.